Nazamwana nelaka. Nazamwana nelaka. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le nom de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Celui qui est appelé par Dieu, est-ce qu'il peut acclamer ce nom puissant? Celui qui a les promesses de Dieu, est-ce qu'il peut acclamer le nom de Dieu? Celui qui n'est pas seul, est-ce qu'il peut acclamer le nom de Dieu? Le nom de celui qui t'a appelé, le nom de celui qui nous a appelé. C'est dans le nom de Jésus que nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es le maître de tout. Nous t'acclamons parce que tu es le maître de temps. Nous t'acclamons parce que tu es tout. Acclamons parce que tu es là. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au moment de louer l'Éternel. Nous invitons les canaux vocaux à louer Dieu avec un chant. Pendant qu'ils s'avancent, nous les encourageons avec les applaudissements. Est-ce qu'on peut balancer un peu les mains pour la gloire de Dieu? On peut balancer les mains, on peut balancer les mains. Alléluia. Tu m'as Yesu mokozi tumutone ye nasifo Onani bako yemba kembo na Yesu we Baengembele bako yemba kembo na ye Onani bako bina kembo na Yesu we Baengembele bako yemba kembo na ye Vina bien. Toko yembe lanzambe kunana lolo. Toko yembe lanzambe kunana lolo kembo. Toko yembe lanzambe kunana lolo. Bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez. allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bouger, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina, allez bina. Bible qu'on a sément que tout ce qui respire loue l'Éternel avec les danses, avec des chants. Alléluia. Pendant ce temps, nous invitons les Holy Praise avec Mama Gloria et nous les encourageons avec les acclamations. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai un petit souci avec mes claviers. Ils arrivent là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant qu'ils sont en train d'arriver? Dans la présence de Dieu, c'est une joie. C'est une fête. Alors, il ne faut pas être triste. Salut ton ami. Pesa moninga mbote. Gloire à Jésus. Nous commençons une semaine de Pentecôte. Alléluia. Moi, mon souci est que Nidjazou est sana. Alléluia. Parce que nous serons de témoins. Nous voulons être vraiment de vrais témoins. Lorsque nous allons partout, nous témoignons la grandeur de Dieu pour ce qu'il va faire pour nous. Chakoua. Nous allons louer le Seigneur. Est-ce que au côté de ma place aux Ali, Tachima ma foi Chouko, Chakoua. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Chakua, Chakua, chakua, chakua, leo. Mimi na chakua masia. Chakua, chakua, chakua, leo. Mimi na chakua masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Eyo. Mimi na chakua masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Eyo. Mimi na chakua masia. Pika mikono, pika mikono. Pika mikono, pika mikono, pika mikono. Pika mikono, apete maboko, pete maboko, pete maboko, pete maboko. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, chuma. Chakua, chakua, chakua, leo. Mimi na chakua masia. Chakua, chakua, chakua, leo. Mimi na chakua masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua, eyo. Mimi na chakua masia. Wewe dada. Chakua. Wewe mama. Chakua, eyo. Mimi na chakua masia. Pika mikele kele, tu as Jésus. Umuchakue, chakue, chakue. Umuchakue Mungu wa milele yote. Umuchakue wa kumtumikia Bwana. Umuchakue. Umuchakue. Umuchakue Mungu wa milele yote. Umuchakue wa kumwimbia Bwana. Umuchakue. Umuchakue. Umuchakue chakue, chakue. Umuchakue. Umuchakue chakue, chakue. Umuchakue. Umuchakue Bwana wa milele yote. Umuchakue wa kumwimbia Yesu. Umuchakue. Umuchakue. Umuchakue chakue, chakue. Umuchakue. Bina bina bina bina bina bina. Beta maboko. Beta bilolo. Beta maboko. Beta maboko. Bina bina bina bina bina pona Jesus. Bina pona Jesus. O bina kawati. Chakue, chakue, chakue, umuchakue. Umuchakue Mungu wa salama yote. Umuchakue wa kumchezea Yesu. Umuchakue. Umuchakue. Umuchakue, chakue, chakue. Umuchakue. Umuchakue, chakue, chakue. Umuchakue. Umuchakue Mungu wa salama yote. Umuchakue wa kumtumikia Bwana. Umuchakue. Umuchakue. Mina kupenda, Mina Kupenda, chante à haute voix, mon Dieu. Il y en a qui sont morts. Mina Kupenda, une très belle chorale. Bana wa majesi. Et la voici avec les mains. Tokumisio ekolo, tokumisio. Tokumisio ekolo Yesu, tokumisio ekolo Yesu. Kolo ya mapika. Piga mikono. Piga mikono. Piga mikono. Piga mikono. Piga mikono. Pesa mabuku. Pesa mabuku. On acclame encore une fois de plus. Tutamupa Mungu nini? Mungu tunakupa masifa. Mungu tunakupa mashangwe. Mungu tunakupa bikelekele. Mungu tunakupa masifle. Mungu tunakupa ko adoration yetu ni ma acclamation. Parce que tuna na kia kukupa kia kufika pabile unafanya. Alléluia. Pendant ce temps, nous invitons la grande chorale à la louange. Notre Dieu est puissant. Il est tellement puissant. Nous voulons le louer. Mama, Zambé, malandro, Alléluia, kembo, kembo, hosanna na Yahweh, kembo, kembo, hosanna na Yahweh. Alléluia, kembo, kembo, hosanna na Yahweh, kembo, kembo, hosanna na Yahweh. Oliba la ya kaina Yesu ki no na lola. Alléluia, kembo, kembo, hosanna na Yahweh. Alléluia, kembo, kembo, hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia, hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia, na papa. Alléluia, alléluia, to yembe na mokonzi. Alléluia, alléluia, alléluia, na papa. Oh, alléluia, alléluia, alléluia, na Yahweh. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia na papa. Mettez la tête sur mon lolo. Je sais pas pourquoi il parle de la Yesu. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia na Yahweh. Oh. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Encore, encore, encore, encore, encore, Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Alléluia, un grand sujet. Alléluia à l'agneau de Dieu. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui nous écoutes sans distinction des races, tu ne choisis pas. Tu nous sélectionnes par ta grâce. Tu es le roi merveilleux. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour t'adorer ce matin. Parce que tu n'as pas de distinction. Tu ne choisis pas. Tu ne sélectionnes pas. Oh Jéhovah, tu es merveilleux. Nous t'aimons ce matin. Pendant que les hommes sélectionnent, ils choisissent les gens selon leur goût. Ils choisissent les gens selon leur taille. Mais Dieu nous aime. Nous sommes là ce matin pour lui. Tu nous aimes, Jéhovah. Voilà pourquoi nous nous approchons devant de toi. Mon cœur se tourne vers celui qui m'a réveillé ce matin pendant que je dormais comme un mort. Pendant que je dormais. Oui, j'ai choisi de dormir. Jéhovah Dieu Tout-Puissant. Oh, toi qui écoutes nos prières, reçois le vœu de mon cœur ce matin. Je te bénis, Jéhovah Dieu de gloire. Oh, God. tenako, ombabwana pata sauti yako. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Élève, monte encore en prière. Pancha tenatua malombi. Bénis le ton Dieu, bénis le Seigneur. Bariki yu wako Mungu, wako Bwana. Bénis le Seigneur. Mubariki akika. Kanisa mzima tusimame. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Hapa tunaanza kuabudu Bwana. D'élever ce Dieu merveilleux. Pendo huyu Mungu ni wa ajabu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Il est la raison de notre vie. Yeye ni sina ya kuishi kwetu. Il est la raison de notre louange. Yeye ni sina ya maabudu yetu na sifa. Il est la raison de tout ce que nous sommes. Seule raison, tu es la raison de ma vie. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheté. Oh merci. Chantant à l'unisson, alléluia. Oh, roi, vie pour toujours. Oh, roi, vie pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton. Je t'en connais pas. acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer correctement pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons une semaine merveilleuse qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte le dimanche prochain, le 8. Et à la fin du culte, j'ai des communiqués importants que je vous donne notre programme de 3 mois. Juin, juillet, août. Nous donnons le programme à l'église pour que nous puissions nous mettre au travail. C'est toujours important de planifier les choses. Alléluia. Amen. Et chaque le premier, nous avons des choses que nous devons faire en tant que chrétiens. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Et qui tombe un dimanche. Alors, nous voulons consacrer le mois de juin entre les mains de Dieu. La Bible dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, avant de partir, nous devons invoquer le Seigneur. Il est qu'il soit à notre départ, qu'il soit à notre arrivée. Dans la vie, la première chose qu'on fait, la première semence, la première chose qu'on fait dans un mois, dans une journée, dans un travail, dans le mariage, dans les activités, toutes les premières choses, il y a les lois des premières choses. Toutes les premières choses sont très importantes. Apprenez ça même de vous-même. Et vous allez voir les premiers enfants, les premières choses, le premier véhicule que Dieu te donne, le premier travail que Dieu te donne. Mais toutes ces premières choses, on dirait qu'elles sont scellées d'une onction particulière. Et les gens de ce monde ont compris. C'est des principes divins. Des principes spirituels. Je l'ai dit une fois ici. Que le monde spirituel est très organisé. Et nous avons l'impression que notre désordre, c'est ça le désordre du monde spirituel. La vie elle-même, elle est spirituelle. L'homme lui-même, il est spirituel. Avant qu'il n'existe physiquement, il existe spirituellement. C'est comme ça que quand vous lisez dans Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est après qu'on a formé la femme qu'on a aimé. À la création, il a créé l'homme et la femme. Spirituellement, l'homme est spirituel. Tout est spirituel. Alléluia. Amen. Et c'est après qu'on voit le physique venir. Alors, chaque le premier, il y a des choses que je fais. Pour mon travail, pour ma vie, pour ma maison, pour. Mais l'église apprend aussi à faire ces choses. Il y a même des offrandes que tu fais parce que c'est le premier. Tu déclares des choses. Alors j'aimerais ensemble, en tant que père, la façon de montrer aux gens, c'est d'enseigner. Le père ne prend pas le tableau avec un bic, une craie pour expliquer. Et Jésus dit, je fais tout ce que je vois faire auprès du Père. Ce que nos enfants nous voient faire, ils le feront. Ce que nous voyons Dieu faire, nous le ferons. Lui aussi a pris son premier fils. Parce qu'il devait appliquer la même loi des premières choses à lui-même. Il a donné. Quand l'aîné réussit, la famille réussit. Quand la fille aînée réussit, les autres filles auront moins de problèmes. Quand la fille aînée pose des problèmes, les autres filles, il faut le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors nous voulons prier. Nous voulons consacrer le mois de juin entre les mains de Dieu. Ça dépend de ta relation. Si tu peux faire un sacrifice, fais-le. Fais-le. Nous voulons consacrer ce mois de juin. Ta vie, tu vas voyager, tu vas partir, revenir. Dans ta maison, il y a l'insécurité partout. Mais à cause de ce que tu vas faire ce matin, que le mois de juin te livre ses bons secrets. Que le mois de juin t'ouvre ses trésors. Ce que tu n'avais pas reçu jusque-là, le mois de juin ici, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons debout. Lève ta main là où tu es. Maman va nous conduire dans une relation comme le Seigneur va vous mettre à cœur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Parce que le mois de juin, c'est déjà la moitié de 2025. Il y a des choses que je n'avais pas reçues jusque-là. Je les déclare au nom de Jésus. Que le mois de juin m'ouvre le trésor et que les grâces de Dieu arrivent dans ma vie. Tous les complots du monde des ténèbres, tous les calendriers que l'ennemi a préparés au mois de juin, pour détruire ma vie, pour détruire la vie de ma famille, je les annule, je passe le calendrier au nom de Jésus. Tous les complots du monde des ténèbres, la Bible dit si l'on forme des complots contre vous, le complot signifie qu'il y a eu des réunions qui sont en train de se faire. Maintenant nous voulons prier. Lève ta main droite, dis avec moi: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui le 1er juin, aujourd'hui le 1er juin, je consacre le mois de juin, je consacre le mois de juin entre tes mains, entre tes mains, j'annule, j'annule tous les complots des ténèbres, tous les complots des ténèbres, au nom de au Jésus, nom de Jésus, je libère toutes les grâces spirituelles, spirituelles sur ma vie, sur ma vie, sur mes enfants, sur mes enfants, je partirai et je reviendrai, et je reviendrai, je vivrai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, et consacre ce mois de juin, consacre ce mois de juin. Bien, mais prie le Seigneur. Omba, Nuku. C'est des jours où on fait des vœux. C'est les jours des sacrifices. Ah. je prie, je consacre ton sacrifice pour le mois de juin. Parle-lui. Dis Seigneur, ma prière et mon vœu que ça parle pour moi au mois de juin. Que ça parle pour toi au mois de juin. Père, Baba, que nos vœux, que nos sacrifices pour ce mois qui commence monte ensemble comme l'encens. Que ça parle. Ça soit un mois de miracle. Un mois de clameur de joie dans nos vies. Au nom de Jésus. Chinala, yes. Si tu as ton sacrifice de ton vœu, tu le déposes dans le panier. Prie, bien aimé, c'est important. C'est des choses qui changent nos vies. C'est des choses qui transforment nos vies. C'est pour le mois de juin. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Oui, la chorale nous accompagne pendant un court moment. Bien, mais nous voulons réussir. Nous sommes appelés à réussir. Dans 2 Chroniques, on dit: crois en Dieu, tu seras affermi. Alléluia. Et crois dans ses prophètes, tu auras du succès. Je crie à toi. Nous voulons réussir ce mois de juin. Alléluia. Oui, je crie à toi. Oh, oh, oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Comme premier jour, comme le jour aîné de juin, nous prions et nous consacrons cette journée pour que derrière elle nous consacrons tout le mois de juin. C'est un mois de miracles. Je ne sais pas qui explique seulement. Où le monde nous a chiqué à Samarie. C'est Dieu, nous écoutons comme des fables. Ule mungu bana tutabiri. C'est Dieu pour qui on nous a prophétisé. Mais mungu le tuna ishi. Oh, le Dieu là qui nous vivons. Bile tuna bamba. C'est là que nous saisissons entre nous-mêmes. Oh, et que ta grandeur est manifeste. C'est pourquoi na bariki. Je veux pas que je te bénisse. Offrande na i. Je bénis cette offrande. Et sacrifice. Le sacrifice. Imwej. Oh, dira tous ces mois. Mungu fanya bikubu. Oh Dieu, accomplis de grandes choses. Bagonjwa baponi. C'est là qu'ils sont malades, soient guéris. Tunakatala bifo ndani ya kanisa. Refusons de verse mort. Tunakatala bifo mu ma famille. Refusons les morts dans ma nyumba yetu. Dans nos maisons. Tunakatala kushindwa tena. Nous refusons encore de chouer. Tunakatala ma complot. Nous refusons divers complots. Ya ma bandi. Allez, de pack. Ya bifo. Oh, ya sorcellerie. La sorcellerie. Non. Fashikoto kule bata tusemelele. Bato on parlera de mal à nous. Kama ni mibaya tunabiangusha. Si sont de mauvaises choses. Kama ni bizuri bisemeo. Si sont de bonnes choses que ce soit accompli. Mungu akisante. Seigneur merci. Bariki taifa lako. Bénis ton peuple. Na maombi yabo. Et ta prière. Na maveu yabo. Et tous les vœux. Mina ibariki asubuhi ya leo. Je les bénis en ce matin. Muchina la Yesu. C'est là au nom de Jésus. Amen. Ils ont tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre chambre haute. 10 jours de prière dans la chambre haute. Nous avons commencé vendredi et samedi par une veillée. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui étaient à la veillée. De temps en temps, nous prenons un peu de temps dans la prière comme ça. Et il y a des programmes que nous allons vous communiquer à la fin. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Samuel, l'apôtre Samuel, qui introduit. Pasteur Samuel. Atanja, enfin, Kingilio. Jusque mercredi. Et mercredi, nous aurons un autre pasteur. Et vendredi, nous aurons un autre pasteur. Samedi, nous aurons un autre pasteur. Et nous clôturerons le dimanche. Voilà notre programme. Lui, c'est quelqu'un de la maison maintenant. Et je bénis le Seigneur pour son ministère. Pour son travail qu'il est en train de faire. Et de plus en plus, il est presque en train d'aller au-delà de Tanzanie. Juste après, il doit aller aux Philippines pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà comment Dieu fait les choses. Philippines, c'est où d'abord? C'est quelque part. C'est en Asie. Hein? On a déjà oublié la géographie. Ok, que Dieu soit béni. Amen. Alors nous allons l'inviter. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Tunamiamkia wote mjina la Yesu. Bwana Mungu amibariki kwa hoteli. Tunabariki Bwana kwa ajili ya mtumishi Pastor Desire. Kwa kazi ambayo anakuwa akifanya. Bwana Mungu apate kumbariki pamoja na jamaa lake. Abariki vile vile wazee wa kanisa na watumishi wote. Waimbaji. Hata na kanisa sote nzima. Wetu Mungu apate kumbariki kwa hoteli. La Tanzanie vous salue tous. Tanzania mzima inaamiamkia wote. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Tunabariki Mungu kwa yote kunafanya. Il est un Dieu de multiplication. Eko ni Mungu wa utumlisho. Il est un Dieu qui élève. Eko ni Mungu kunanyanyua. Je dis encore merci au révérend. Nasema asante tena kwa pastor. De m'avoir aussi sélectionné dans ces 10 jours de la chambre haute. Kwa kuweza tena kunichakua kwa hima siku 10 mchumba ya juu. Je vous remercie aussi pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que la chambre haute a commencé déjà depuis le vendredi. J'aimerais un peu te rappeler quelque chose. La chambre haute, c'est la prière. Et aujourd'hui, ayez un peu un esprit différent de de ce que tu as toujours connu comme le culte des dimanches. On doit être sérieux, simple. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Parce que c'est la continuité. Après la parole, nous allons prier le Seigneur. Et deux choses que tu dois toujours faire quand tu pries, ayez trois attitudes. La première chose que tu dois faire, c'est croire à un Dieu qui donne des réponses à tes prières. Parce que beaucoup de gens prient, mais ils doutent des solutions dans leurs prières. Or, la Bible dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. La deuxième des choses, il faut avoir la soif de recevoir quelque chose. Écoutez, l'homme qui était devant la porte la belle, il avait la soif de miracle. Quand Pierre et Jean l'ont dit, regarde-nous. On n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te donner. Il était là prêt à recevoir quelque chose. Ayez toujours la soif de recevoir quelque chose. Et la dernière des choses, c'est avoir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Écoute, Dieu ne répond pas à tout le monde. Dieu répond la foi de quelqu'un. La foi, c'est la monnaie du ciel. Parce que tu ne peux pas aller dans une boutique et tu désires l'eau. Et tu entres seulement, tu récupères la bouteille d'eau. Ah, tu dis que bon, la boutique est au Congo, à Likasi. Moi, si j'habite à Likasi, je récupère une bouteille. Non, si tu fais comme ça, on va t'arrêter. Il faut avoir quelque chose que tu dois avoir pour échanger. En tout ce que tu désires dans le monde spirituel, est disponible. Il suffit seulement d'avoir quelque chose, la monnaie d'échange qui est ta foi. La Bible dit ceci, il te sera fait selon ta foi. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est un Dieu qui répond. Si tu as pris cette trois attitudes, ces 10 jours de la chambre haute vont laisser des empreintes dans ta vie. Nous lisons la parole de Dieu dans Juges chapitre 6, verset 34. La Bible dit ceci, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne serons que des tonneaux vides qui vont faire beaucoup de bruit, mais sans résultat. Mais avec toi, Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses étonnantes. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous croyons en toi. Saint-Esprit, c'est toi notre aide. Enseigne avec nous ce matin que ta puissance soit disponible. Que ta puissance agisse au milieu de nous. Que ta puissance transforme nos vies. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Saint-Esprit, prends ce qui est de Jésus Et donne-nous ce matin, bénis cette parole au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amina. Alléluia. Amen. J'aimerais parler, j'aimerais introduire le message de ce matin dans un petit sous-thème qui est intitulé Le mariage Ndoa du cheval ya punda et la colombe. Ata na njiwa. C'est ce que je veux parler ce matin. Le mariage du cheval Ndoa ya punda et la colombe. Na njiwa. Vous allez comprendre quand je vais développer. Dites à ton voisin le mariage du cheval et la colombe. Cela veut dire deux êtres qui se marient. Le cheval et la colombe. Deux êtres de caractères différents viennent s'unir. Quand on va développer, c'est simple, tu vas comprendre. La Bible dit Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Moi je m'arrête seulement au point à la partie A. La Bible dit Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et maintenant c'est dans cette partie que nous allons parler sur le mariage du cheval et la colombe. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Gédéon. Un homme qui était puissant, mais qui s'ignorait lui-même. Vous savez, il y a des gens qui sont puissants, mais ils n'arrivent pas à connaître leur puissance. Gédéon, un vaillant héros, mais qui vivait dans la crainte et dans les lamentations. Beaucoup de gens sont forts. Ils ont des grandes choses en eux. Ils ont des choses qui peuvent transformer le monde. Mais eux-mêmes sont ignorants. Gédéon fuyait devant les Madianites. Gédéon vivait dans la pauvreté. Or, il était un homme puissant. Il y a des gens qui vivent dans la peur, qui vivent dans la pauvreté. Or que ce sont des gens riches. En eux, il y a de grandes choses cachées. Des choses qui peuvent changer leur famille. Des choses qui peuvent changer la ville de Likasi. Écoutez, une seule personne peut changer cette ville à partir de ce qu'il possède. Écoutez, Gédéon s'ignorait. Il a fallu que Gédéon croise l'ange de l'Éternel. C'est le jour qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel qu'il a découvert qu'il y avait quelque chose en lui. Mais malgré qu'il a croisé l'ange de l'Éternel, il était toujours un homme peureux, un homme timide, un homme qui avait la peur, un homme qui s'est lamenté. Les lamentations sont les ennemis de la foi. Dieu ne marche pas avec les gens qui se lamentent. Dieu marche avec les vaillants, les gens qui ont la foi. Écoutez, Dieu a frappé Israël dans les déserts à cause des lamentations. Mais le jour que Gédéon a croisé l'ange de l'Éternel, c'est là qu'il a compris qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Écoutez, ce c'est le jour que Saül a rencontré le prophète qui venait de la montagne, qu'il a compris que lui aussi peut prophétiser. Oh, je viens dire à quelqu'un, les autres que tu vois émerger et faire de grandes choses, ils ne sont pas spéciaux. Ce sont des hommes comme toi. Mais la différence en est que ils ont découvert la capacité intérieure qui s'est cachée dans leur vie. C'est pourquoi ils ont fait des exploits. Il est temps que tu fasses des exploits. Maintenant, quand Dieu a croisé Gédéon, Dieu lui a donné une mission. Et c'était une mission très délicate. Et à cette époque-là, c'était les Madianites qui dominaient sur le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Israël s'était appauvri à cause des Madianites. Et les Madianites ne venaient pas seuls. Ils venaient avec d'autres nations. Donc c'était une coalition des ennemis. Il y a des fois tu passes des combats terribles parce qu'il y a une coalition. Écoutez, dans chaque combat il doit toujours y avoir des partenaires. Si tu n'as pas de partenaires dans les combats, tu vas échouer dans les combats. Je vous donne un exemple terre à terre. L'Ukraine est une petite nation. C'est une nation qui ne peut pas faire deux jours en se battant avec la Russie. Mais aujourd'hui, ça fait des années que l'Ukraine est en train de lutter. Pourquoi l'Ukraine lutte? Parce qu'ils ont des partenaires. Il n'y a pas de combat sans partenaires. Mais la chose en eux que ce n'est que les enfants de Dieu qui veulent marcher en solo. Mais la vie, écoutez, même le juge Barak, il a dit à la femme Déborah, si tu ne pars pas, moi aussi je n'irai pas. Moïse a dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, moi aussi je ne pars pas. Donc Moïse savait que sans le partenaire fiable, il n'y a pas la victoire dans le combat. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Mais à cette époque de la terreur, à cette époque où Israël était dominé, à cette époque où Israël était devenu pauvre, faible, Israël s'aimait de cultiver des champs. Mais il n'arrivait pas à s'aimer. Il y a des gens qui travaillent, qui font des projets. Mais au moment de la récolte, ils sont écartés. Mais ce sont les autres qui récoltent. Ah, je viens de déclarer ce matin, avec Dieu, tu sèmeras et tu vas récolter. Parce que Dieu dit en Ésaïe, tu sèmeras ton champ et tu vas récolter. Tu construiras une maison et tu y habiteras. Tu feras un travail et tu récolteras, parce qu'il y a un Dieu à côté de toi. Et la Bible dit ceci, quand Dieu a croisé Gédéon, il l'a revêtu de l'esprit. Donc la rencontre avec l'ange de l'Éternel a provoqué un mouvement. Et ce mouvement, c'était quoi? C'était la descente de l'esprit de Dieu sur la vie de Gédéon. Parce que dans l'Ancien Testament, l'esprit l'Esprit de Dieu n'était pas en permanence. L'Esprit de Dieu descendait sur le gens. Pourquoi il descendait sur les gens? C'était pour les aider dans des missions spéciales. La mission de la délivrance, la mission du jugement. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu descendait sur les gens pour les aider dans leur leadership. Et maintenant, quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon ne pouvait pas aller seul. Premièrement, il était peureux. Il était timide. Il n'était pas sûr de lui-même. C'est pourquoi il a fallu que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Or, la Bible dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba Père. Père. Mais écoutez, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de la peur. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit qui crie en toi. Abba Père. Donc c'est un esprit qui veut te dire, tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Maintenant, quand Gédéon a reçu cet esprit, c'est Romains 8:15 qui dit ça. Quand Jésus a dit, quand Jésus a reçu l'esprit. Non, cela veut dire qu'il a reçu la puissance. Une force surnaturelle. Une force extraordinaire. Qui va l'aider à accomplir la mission de Dieu. C'est pourquoi Zacharie 4:6 nous dit. C'est ainsi la parole de Dieu. À Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Sans l'Esprit de Dieu, la mission sera difficile. La mission sera mécanique. Sans l'Esprit de Dieu, écoute bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent inutilement. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils ne donnent pas la place à l'Esprit de Dieu dans leur vie. Jésus a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc sans l'aide du Saint-Esprit, nous allons développer des choses là-devant. Tu vas comprendre que la vie de miracle, c'est quelque chose qui est facile. Si tu comprends les choses, si tu comprends la puissance de Dieu, si tu comprends le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Mais Dieu, en appelant Gédéon, il a vu que Gédéon, sans la présence du Saint-Esprit, il ne réussira pas la mission. Dans ce monde, il est difficile de réussir la vie chrétienne sans la présence de Dieu. Une vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit, c'est une vie d'échec, une vie de pleurs, une vie d'humiliation. Ce qui nous différencie de ce monde, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Un homme à trois dimensions, c'est un homme normal. C'est pourquoi les gens de ce monde ont compris qu'un homme à trois dimensions ne peut accomplir des choses étonnantes. C'est pourquoi elles vont chercher des fétiches, chercher des puissances maléfiques pour dominer ce monde. Mais nous, on n'a pas besoin de chercher la magie ni les fétiches, parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est plus que la magie, c'est plus que la sorcellerie, c'est plus que les fétiches, parce que c'est un esprit supérieur. Parce qu'un homme à quatre dimensions, c'est un homme à deux esprits. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il est comme un vent. Or, un vent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On écoute seulement le bruit. On ne connaît pas là où le vent arrive et là où le vent part. Même si vous enfermez le vent dans une boîte, il finira toujours par sortir. C'est pourquoi on met de l'air dans nos pneus, mais après quelques jours, c'est parti. Écoutez, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est un homme qu'on ne peut pas maîtriser. Aujourd'hui, on se donne beaucoup aux choses du monde. Et nous oublions les choses du ciel. Or, que la partie spirituelle, c'est elle qui détermine ta vie sur la terre. Tu vas comprendre ce que je viens de dire. Alors, nous sommes en train de parler. Donc, cela veut dire que le jour que l'Esprit de Dieu s'est emparé de Gédéon, c'était déjà un mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour que l'Esprit de Dieu a saisi Gédéon, c'est le jour où le mariage a commencé. Oh, qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est quoi? C'est une communion. C'est une communion ou c'est une union entre deux personnes de sexes différents. Et de caractères différents appelés à vivre ensemble. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Écoutez, quand on se marie, on a nos comportements. On a nos préférences. Mais quand vous entrez dans les mariages avec des caractères différents, vous vivez ensemble, c'est pourquoi ceux qui se marient finissent par se ressembler. Et maintenant, dans la langue grecque, on appelle cette union koinonia. Koinonia veut dire quoi? Koinonia, c'est une connexion spirituelle entre Dieu et l'homme. Écoutez, l'Esprit de Dieu en nous, c'est une connexion spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend spirituel. Parce que l'homme est d'abord spirituel. Comme papa l'a dit, l'homme a perdu la spiritualité dans le jardin. Écoutez, la personne d'Adam, quand je méditais d'abord sur cette personne, il n'était pas une personne normale. Il était une personne spirituelle. Il était tout à fait un Dieu. Parce que quand Dieu a créé les choses, il a dit à Adam de donner le nom. Et le nom qu'il donnait, Dieu ne s'est pas opposé à aucun nom. Donc cela veut dire que c'est le même nom que Dieu avait. Il agissait comme un Dieu. Donc j'arrive à comprendre. Adam avait une spiritualité extraordinaire. Parce que quand il donnait le nom au poisson, il y a le poisson qui sort à la profondeur de 1000 mètres. Il le voyait comment? Arianza kuyaona namna kani? Donc j'arrive à comprendre. Il était trop spirituel. Il pouvait voir dans la profondeur de 1000 mètres. Il pouvait entrer à la profondeur de 1000 mètres. Il pouvait monter pour voir les oiseaux qui passent au ciel. Et quand il a péché, cette dimension est disparue. Maintenant, Dieu, comme il est Père, il a fait des alliances. Il a appelé des hommes. Maintenant, pour que ces gens puissent bien les représenter, il devait libérer son esprit. Et l'esprit descendait, il fait sa mission, il remonte. Donc, là, le mariage, c'est une connexion spirituelle. Tu dois avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Et en deuxième chose, koinonia dans la langue anglaise, ça s'appelle fellowship. Cela veut dire c'est le partenariat. Le partenariat, c'est pourquoi on dit, quand quelqu'un dit il veut présenter sa femme, il va dire celle-ci c'est ma partenaire, celle-ci c'est mon partenaire. Donc nous sommes dans la relation avec lui, nous sommes dans l'union avec lui. Donc le Saint-Esprit c'est ton partenaire. Ce ne sont que ceux qui ont des partenaires qui accomplissent des grandes choses. Mais toi aussi, tu y as besoin d'être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est un désir. Troisième chose, le mariage c'est un lien très profond. Écoutez, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est un lien qui est très profond. Je vais d'abord te donner un exemple. L'Esprit de Dieu, quand tu lui laisses la place, il connaît même tes préférences. Je vais aller te rater. Si ma soeur ici aime porter des jeans, l'Esprit de Dieu va toucher à une autre personne qui aime des jeans pour donner à celle-ci. C'est simple. Écoutez, même un mari connaît les préférences de sa femme. Pourquoi? Il est son partenaire. L'Esprit de Dieu te connaît plus que toi-même. Mais la chose qui est là, c'est quoi? Tu n'es pas dans ce lien. Je vais te parler de deux choses. Il y a la connexion et la communication. Et ce qui maintient la grande chose, c'est quoi? La grande chose, c'est la connexion. Mais ce qui maintient la connexion, c'est quoi? C'est la communication. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut se marier, on est en connexion. On est déjà une seule personne. Mais si on ne parle pas, cette connexion va se briser. C'est ça qui complique beaucoup de mariages. Ils sont dans le même mariage, mais ils ne se parlent pas. Si vous vous parlez, vous allez vous connaître. Tu peux avoir ton mari, tu n'as jamais blagué avec lui. Ah, tu dis, mon mari est bon. Mais c'est le jour que tu vas blaguer avec lui, tu sauras s'il est colérique ou pas. La communication. Tu dois être en communication avec le Saint-Esprit. J'avance. Le mariage, c'est le fait d'être réunis ensemble par un lien fait par les engagements. Il est nafanya kupitia tu engagement. Des paroles. Ya misemo. Maintenant, je suis en train de parler du mariage, ndoa, de la, du cheval ya punda, et de la colombe. Nanjua. C'est deux personnes différentes. Nakwani viumbe viwili vya kuachana. Lisons d'abord Proverbe 21 et Proverbe 21 31. La Bible dit, le cheval punda est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais parole de vie, les chevaux. Parole de vie dit, les chevaux sont équipés pour les jours de la bataille. Maintenant, j'entre maintenant dans mon thème. Je suis très court parce que je sens que nous devons prier. Aujourd'hui, on introduit. On va évoluer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que le cheval? Ninini punda. Le cheval représente punda na kuwa na onesha la bataille, ugonfi, l'esprit militaire. Roya jesi. Ça représente la guerre. Iko na tambulisha vita. Écoutez, dans l'Ancien Testament Mwagano la kale, ou dans les anciens temps, il n'y avait pas de véhicule. Magari. Les véhicules de ce temps-là, magari ya ile wakati, c'était les ânes et le cheval. Mais les ânes ou bien les ânes servaient de transport, de transport de marchandises. Mais le cheval servait pour la guerre. C'était comme un char de combat. On les prépare pour les jours de la bataille. On les prépare pour les jours de la guerre. Pourquoi dans la spiritualité, le cheval représente le matériel, représente la chair. Maintenant, écoutez Gédéon. Dieu lui donne une mission. Et la mission que Dieu lui a donnée, c'est la mission de la délivrance. Dieu les prépare pour la bataille. Parce que Gédéon, avant d'entrer dans la bataille, Dieu l'a préparé. Une vie sans préparation, c'est une vie de la bataille. Dieu a dit à Gédéon, descends dans le camp des Madianites. Et si tu as peur, prends Pura avec toi. Quand il est descendu avec Pura, il a senti des personnes en train de murmurer. Oh mon frère, je viens d'avoir un rêve. C'est quoi le rêve? Il dit, je vois le pain d'orge. Naona le pain d'orge qui descend. Inashuk. Qui heurte. Il est inatkum. Notre tente. Kambieto. Et la tente se renverse. Na kambi naweza kuanguka. L'autre donne l'interprétation. Na huyu mwingine analeta sana kwa sababu. Ah! Anasema ah! Ça doit être l'épée de Gédéon. Inasema na bosh kwani Gédéon. Je vais expliquer quelque chose. Pourquoi l'autre a vu le pain? Écoutez, il a vu le pain parce que Gédéon aussi a donné le pain à l'Éternel. Les sacrifices changent de forme. Il a donné le pain et le pain s'est transformé en une épée. C'est lui qui t'a dit de ne pas donner. Il bloque ta vie. La puissance de dominer est dans le sacrifice. C'est lui qui te donne. Il a la supériorité sur toi. Et une église qui ne donne pas, c'est une église pauvre. Et Dieu, la Bible dit ceci: qui m'a donné le premier pour que je puisse le rembourser? Ça c'est Romains 11:35. La Bible dit ceci dans Psaume 20 verset 3: que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices et tes holocaustes Le quatrième verset, la Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplit ce plan. Cela veut dire quand Dieu voit le sacrifice, il te donne ce que ton cœur désire. C'est ça la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, ce sont des voleurs. La Bible, c'est le principe. Si tu ne sais pas donner, oublie la prospérité et la domination. Et les donner, ce n'est pas une fois. C'est le matin, la journée et le soir. Et si on ne vous dit pas la vérité, vous serez pauvre. Moi, j'ai compris encore. Ces derniers temps, j'ai compris beaucoup de choses. Sur la puissance des offrandes. Je suis dans un pays des musulmans. Les 10 premiers riches de ce pays, de la Tanzanie. Il n'y a même pas un chrétien. De 1 jusqu'à 10. Tous sont des musulmans. Là, tu diras que ce sont des sorciers, ils font des fétiches, ils te trompent. Dans ce pays-là, les gens qui donnent beaucoup, ce sont les musulmans. J'ai même un monsieur, j'ai tenté de construire un bureau de 3 chambres là-bas. Mon père m'a amené chez l'homme-là. Mon père adoptif. C'est un grand monsieur là-bas. Il a dit, celui-ci c'est mon fils. Il est ici. S'il a quelque chose, c'est un pasteur. Qu'il vienne te voir. Le monsieur m'appelle, il me dit, tu fais quoi à l'église? Il dit, je suis en train de construire un bureau. Il me dit, fais-moi tous les devises. Et les devis, les mêmes, tout. Viens déposer au bureau. Je vais le faire en un clin d'œil. Mais j'ai eu honte d'y aller. On est dans un bureau où toute chose a été équipée par un musulman. Mais si tu touches un chrétien, tous les offrandes, il retire ses pattes. J'ai des amis musulmans. Si je le dis, nous avons quelque chose, il vient donner. Mais si tu contactes un chrétien, et si tu, même les radios des chrétiens en Tanzanie coûtent très cher que les radios des païens. Quand tu vas chez les païens, ils disent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nous diminuons les prix. Mais un chrétien ne diminue même pas un centime. Il est contre même l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous ces gens qui vous disent qu'on vous fait donner des offrandes, ce sont des païens dans l'église. Il y a des fois, on peut te dire de donner les offrandes, pas ce que toi tu veux, nous on te dit. Dieu, si tu avais dit Abraham, donne-moi un enfant, tu l'as donné qui? Ismaël. Mais Dieu a récupéré ce qui est meilleur. Dit, donne-moi celui-là. Si tu as des téléphones, tu as les chorocs, les tini-ni-ni-ni. Avec ton iPhone. Je viens, si tu dis donne un téléphone, tu vas amener les choroko. Est-ce que je mens? Et là tu dis que oh je suis béni. Tu n'es pas béni. Écoutez, pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois prier le Seigneur. Mais pour être riche, tu dois donner. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous les hommes de Dieu, nous avons honte de vous le dire, vous n'allez pas prospérer. Si aujourd'hui je fais, et papa fait comme Eli a fait, Il vient chez toi. Il te trouve avec ta voiture là. Et donne-moi d'abord ça. Vous allez écrire sur les journaux. Batumishi basiku ya mwisho. Ni wezi sana. Les chrétiens de l'église primitive, ils ont même vendu des maisons. Ils ont vendu des terres pour donner à Dieu. Alléluia, église. Amen. Alléluia, église. Amen. Vous devenez très sérieux sur ce point. Les bêtes de Gédéon, les sacrifices de Gédéon, il a donné le pain à l'ange de l'Éternel. Mais quand la bataille est arrivée, le sacrifice qu'il a donné s'est transformé en une épée pour terrasser ses ennemis. Donc il y a de foi. Beaucoup de choses n'arrivent. Il y a des combats que tu vas les livrer avec des sacrifices. Parce que le combat spirituel, c'est le combat des autels. Écoutez, quand Dieu a combattu Pharaon, il n'a pas combattu le trône. Il a combattu son autel. Parce que l'autel de Pharaon, c'était dans l'eau. Ézéchiel dit ceci. Toi, Pharaon, tu dis que tu es un lion. Toi, tu n'es pas un lion. Tu es un crocodile dans les eaux. Maintenant, Dieu, pour le frapper, il a frappé d'abord l'eau. Il a commencé à détruire les autels. C'est pourquoi dans les combats spirituels, il faut savoir le mystère des offrandes. Le mystère des autels. Les sacrifices changent. Hein? Les sacrifices de Dorcas a détruit la mort. Quand on a appelé Pierre, on lui a seulement montré. Regarde. Regarde. Ces sacrifices a chassé la mort. Dieu l'a formé pour la bataille. Quand Gédéon a écouté, il a compris que je les ai déjà vaincus. Il a vaincu la bataille avant de la livrer. C'est pourquoi quand il est rentré, il n'était pas le même Gédéon. Écoutez, Gédéon est l'image de Jésus. Jésus dans la chair, il était un cheval qui a été préparé pendant 30 ans. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas servir Dieu avant l'âge de 30 ans. Mais Jésus dans la chair ne pouvait pas entrer dans la bataille, ne pouvait pas combattre le diable. Il a fallu attendre 30 ans. En atteignant 30 ans, il est allé voir Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit, il est sorti des eaux. Quand il est sorti des eaux, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel jusque sur la personne de Jésus, sous forme de la colombe. Là, je peux maintenant, là, tu me comprends maintenant. Allons dans Matthieu 3:16. Matthieu 3:16. Tu vas aussi nous ajouter Jean chapitre 1, verset 32. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Qu'est-ce que Jean dit? Jean, chapitre 1, verset 32. La Bible dit, Jean rendit témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Parce qu'il y a l'Esprit sur, il y a l'Esprit avec et il y a l'Esprit dans. Mais l'Esprit n'est pas entré, mais il est resté sur lui. Là, je vois le cheval et le cavalier. Oh, l'Esprit, la colombe, c'est le cavalier qui est descendu sur le cheval pour aller dans la bataille. Oh, Jérémie, écoutez, la Bible dit ceci. Le cavalier, c'est le conducteur du cheval. Or, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit, c'est le cavalier qui t'amène dans la bataille. Oh, j'arrive à comprendre. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, il l'a conduit dans les déserts pour combattre le diable. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un cheval. Tu es déjà préparé. Il suffit seulement que le cavalier puisse descendre sur toi. Il va te conduire dans le succès, dans la victoire, dans la délivrance. Gédéon, c'était un cheval qui était déjà préparé pour la bataille. Mais il manquait le cavalier. Oh, j'arrive à comprendre que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de Josué. Bien que dans les livres des Actes des Apôtres, il y a deux livres. Mais en général, c'est un livre. Parce que la première partie des Actes des Apôtres, c'est le livre d'Esther. C'est le ministère de Pierre. Parce que Pierre va prendre sa petite sœur, l'amener à l'épouse. La mission de Pierre, c'est pour Israël seulement. Préparer Israël pour les amener à Jésus. Mais la deuxième partie, c'est le ministère de Paul. C'est le livre de Ruth. C'est Naomi qui va dans les nations. Il récupère l'épouse. Il l'amène à Boaz. Mais en général, Josué, c'est le livre de la conquête. Actes des Apôtres, c'est le livre de la conquête. C'est Jésus maintenant, par son esprit, il va maintenant arracher les âmes qui étaient dans le main du diable. Écoutez, la chair, le cheval, c'est toi. Tu es prêt déjà, mais tu as besoin du cavalier. Or, le cavalier, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Or, si tu laisses le volant de ta vie au Saint-Esprit, tu n'échoueras jamais. Le mariage de la colombe et du cheval. Même Jésus-Christ, il a préparé les disciples pendant 3 ans. Et il leur avait dit ceci. Restez à Jérusalem. Vous êtes des chevaux déjà préparés. Il vous manque le cavalier. Donc le cavalier est descendu le jour de la Pentecôte. Tu as besoin du cavalier. C'est quand l'Esprit est descendu sur lui. Je dois sonner de la trompette. Je dois commencer à réunir des foules. Quand le Spirit de Dieu te conduit, il y a des foules qui vont venir. Il y a des alliances qui vont commencer. Il y a la faveur qui sera sur toi. Écoutez, Abiezer, c'était le clan. Un clan dans la tribu de Manassé. Abiezer, c'était le clan de Gédéon. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, même les gens de ta famille vont s'unir avec toi. L'Esprit a saisi Gédéon pour délivrer toute une nation. Donc le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, les chevaux sont préparés pour le jour de la bataille. Mais la victoire vient de l'Éternel. Donc la victoire vient du cavalier. Tu vas vaincre le combat. Tu vas vaincre le combat. Mais pendant ce jour qui reste, soyez disponibles. Je parle trois choses, j'ai fini. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on prépare un cheval à la bataille? Je ne vais pas aller dans les méthodes naturelles. J'aimerais seulement aller dans la Bible. On prépare une personne par la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus. Écoutez, Jésus a fait 3 ans en train de préparer les disciples. Mais il a suffi seulement un seul jour pour que leur vie soit transformée. Pendant les 3 ans, c'était des gens ordinaires. Mais lorsque les cavaliers descendus, ils sont devenus extraordinaires. Écoutez, Dieu n'accomplit que sa parole. Il n'accomplit pas les opinions des gens. Ne vivez pas dans les opinions des gens. Ne vivez pas dans la tradition. Vivez selon la parole. La Bible dit ceci. Ne soyez pas des simples écouteurs, des auditeurs de la parole. Mettez-les en pratique. Ce que dit la parole, c'est ce que tu dois vivre. Prononce la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu, c'est une réalité. C'est une puissance extraordinaire. Tu es faible parce que tu as ignoré la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus cracha par terre. Après avoir craché, il a amené sa main là où il a craché. Donc cela veut dire, l'Esprit de Dieu ne s'associe qu'avec la parole. Au commencement, la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Qu'est-ce que l'Esprit attendait? L'Esprit attendait la parole. L'Esprit attendait la parole. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est alors que le Saint-Esprit est entré en action. C'est là qu'on a craché la parole. Que la main agit. Il y a des gens qui lisent la parole comme un journal. On est allé faire une croisade quelque part. Mais c'était resté 7 jours. On n'avait plus l'argent pour faire les, ce qu'on appelle en Tanzanie les PA. Donc, les vannes annoncent, donc les annonces par les camions, on met des baffles, on commence à circuler dans la ville. On n'avait pas l'argent. Mais il reste 7 jours et on devait annoncer pendant 6 jours, tourner dans toute la ville. La nuit, j'ai commencé à prier le Seigneur. Quand je me suis arrêté sur un verset qui dit, Dieu va faire d'un rocher une source d'eau. J'ai dit ça, c'est un rocher Dieu. Fais sortir de l'eau. Le matin, je suis à l'hôtel. On vient m'appeler. On me dit, le commissaire de district veut te voir. Il me dit, où est-ce qu'il m'a connu? Il y a quelqu'un qui lui a parlé de vous. Je suis descendu au salon. Sans aller dans le restaurant de l'hôtel. Le fait que j'ai prié seulement avec lui, Dieu me montre sa maladie de ce côté ici. Il a un problème de ce côté. Il a aussi des problèmes de jambes. J'ai dit, maman, il y a un problème sérieux de ce côté. C'était une dame. Et tu te prépares pour aller en Inde. Elle commence à pleurer. C'est vrai. Il dit, je vois encore le pied, dit que c'est vrai. J'ai prié avec elle. J'ai prié. Et j'ai dit, tu es guéri. Et elle est partie. Le soir, elle revient. Elle dit, non, non, ce n'est pas possible. C'est pour la première fois que je sens les douleurs disparaître. Elle me dit, vous avez besoin de quoi? J'ai dit, nous ici, nous manquons l'argent des billets. Et il fait voir les devis. J'ai fait, elle est partie, elle a amené l'argent. Plus que ce qu'on avait besoin. Dieu a fait sortir l'eau dans un rocher. C'est le verset là que je crie en ce verset qui a amené cette dame. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai quitté cette ville. Mais elle continue à envoyer des sacrifices. Elle est guérie jusqu'aujourd'hui. Celle qui te tourmente, tu lis la parole comme un journal. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Même si on te dit que cette maladie est incurable, que dit la parole? Psaume 103, verset 3 dit quoi? C'est lui qui nous a pardonné de tous les péchés. Il nous guérit de toute maladie. J'étais en Tanzanie, quelqu'un m'a appelé ici, une soeur m'a appelé, son mari est arrivé, voulait maintenant se suicider. Il a fait 10 ans d'insomnie. Je lui dis, frère, c'est possible de dormir. Il dit, pasteur, tu ne comprends pas la chose. Ça fait 10 ans que je prends des somnifères. Mais il y a 2 ans, tous les somnifères ont échoué. Maintenant, c'est le cœur qui est attaqué. Je lui ai seulement fait lire Psaume 4:8. Tu vas dormir dans la tranquillité. On a prié. 5 heures du matin. Pour des téléphones. Pasteur, je ne comprends pas. J'ai dormi. À un moment, je vous parle. J'aimerais seulement vous parler des songes que j'ai eus. Mais j'ai encore sommeil. J'ai dit, dors. Tu vas me parler après. Écoutez, même pour guérir la maladie, c'est facile. Qu'est-ce que dit la Bible? Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible n'a pas dit parler en langue. La Bible n'a pas dit secouer la tête. J'aime Jésus. Je vois des guérisons terribles ces derniers temps. Je n'ai pas besoin. Écoutez, il y a des gens, si vous voulez prier, pour qu'ils sachent que Dieu a guéri, il faut que le serviteur de Dieu puisse trembler. Ça, c'est manque de la foi. On peut seulement te toucher, tu es guéri. Et la guérison arrive. Rentre dans la parole. Vous écoutez trop. Mais l'application. Zéro. Akuna sifuri. Dieu te prépare dans la parole. On a préparé les disciples pendant 3 ans. Mais le jour que le cavalier descendit, il a conduit Pierre. Il a parlé. Il a ravi 3000 âmes. Même le combat de ta famille, c'est toi qui vas les vaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mariage de la colombe et le cheval, le corps de Jésus sans l'Esprit de Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit m'a ouvert pour proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un combat. Quand on prêche la bonne nouvelle, nous entrons dans la bataille pour ravir les gens que l'ennemi a pris. Mais tu as besoin d'un cavalier. Les derniers versets, nous entrons dans la prière, c'est Actes des Apôtres 10:38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Lorsqu'il l'a oint, maintenant il allait de lieu en lieu. Vous savez, le cavalier commençait maintenant à le conduire. Il le passe en Galilée, il fait descendre en Judée. Maintenant quand il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est le cavalier maintenant qui le conduit dans la bataille. Il récupère ceux qui sont dans l'empire, car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit en toi, c'est un signe que Dieu est avec toi. Tu peux faire de grandes choses comme Gédéon. Tu peux changer de nation comme Gédéon. Tu peux changer ta famille comme Gédéon. Tu peux effacer la sorcellerie de ta famille comme Gédéon. Gédéon a vaincu les autels de Baal. Gédéon a vaincu Baal et les Madianites, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de guerre. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. C'est demain qu'on va maintenant commencer à descendre dans la profondeur. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a révolté la vie de quelqu'un. Écoutez, frère. Avec l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de regarder tu es de quelle famille. Gédéon a dit ceci: je viens d'une famille pauvre et ma tribu est la petite tribu. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, il n'a pas fait mention à sa tribu ni à sa famille. Tu peux venir d'une famille pauvre, mais quand le cavalier descend sur toi, il va te conduire dans le bonheur. Il peut te conduire dans la richesse. Il peut te conduire dans la victoire. Mettez-vous debout tous. Je me risque qu'on puisse chanter. On a une chanson qui peut nous connecter dans la présence de Dieu. Parce que je sens le signe de la présence de Dieu en soi. Ferme tes yeux. Tes mains à moi, tu es élevé. Ayez la soif de recevoir quelque chose. Il y a une chanson qui dit: nous allons chanter ça. Tu fermes les yeux, tu élèves tes mains. Mon frère, lève ta main. Soyez concentré. Ayez la soif. Ayez la foi. Chante en fermant tes yeux. Je te dis de fermer les yeux pour la concentration. On ne fait pas la sorcellerie ici. Parce que les choses de Dieu demandent aussi la concentration. Karamash. Soif de vivre la Pentecôte. Écoutez, dans la vie, il y a des moments que tu peux traverser, des moments difficiles. Et ces moments difficiles te font sortir de la voie de Dieu. En sortant de la voie de Dieu, tu tu as perdu la force. Tu as perdu la puissance. Il est possible d'être restauré ce matin. Il est possible de recevoir une autre portion. Il est possible que le cavalier, qui est l'Esprit de Dieu, puisse te saisir encore. Ça dépend de ta disponibilité. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta soif. Tu es jeune homme. Il faut avoir la force de l'esprit, la soif de l'Esprit de Dieu. La soif de la puissance de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Le Dieu de la source féconde est ici. Il veut libérer son esprit en toi. Et dans ce jour que nous allons intervenir, on ne finira pas seulement la prière. Nous allons passer dans des délivrances. Nous allons passer dans des services de guérison. Amener les malades. Ce n'est pas le pasteur Désiré qui les guérira, ni l'apôtre Samuel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va les guérir dans ces lieux. Et ils seront guéris. Tes mains élevées. J'aimerais qu'on fasse une prière de 10 minutes. Est-ce que quelqu'un qui a soif peut commencer déjà à prier? Quelqu'un qui a écouté le message, est-ce qu'il peut prier? La Bible dit, ce n'est ni pas la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne réussiras pas par ta force, mais par la présence de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te saisir ce matin. Montez encore. Écoutez, montez. La Bible dit, si tu ouvres ta bouche, le Seigneur va te remplir. Monte encore. Si je dis monte, tu montes la voix. Monte encore. Monte encore. Écoutez, montez encore. Montez encore. Écoute, il y a une restauration de la vie de quelqu'un. Oui, tu as bien prié, mais tu peux augmenter encore ta dimension. Est-ce que tu peux encore remonter à ton niveau de la prière? Est-ce que tu peux encore crier devant Dieu ce matin? Est-ce que tu peux encore dire à Jésus que ton esprit ravage? Ripa, papa, papa, papa. Est-ce que tu peux encore remonter ta nuit au ravage? Ripa, papa, papa. Oh, niveau de ta prière. Oh Yeshua, les que rabrasse que tu es ta voix. Écoutez, ne compte pas sur la journée de demain. Ton jour, c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Ces 10 minutes de prière peuvent changer ta vie. Dites à Dieu que ton esprit me saisisse. Que ton esprit prenne le volant de ma vie. Que je sois conduit par lui. Oui, montez encore. Montez encore, nous avons encore 5 minutes de prière. Montez, mon frère et ma soeur. Je sens une visitation. Il y a une restauration. Il y a une onction particulière. Rapage. Oui, remontez, remontez, remontez. Kaka, kaka, kaka, kaka, kaka. Remontez encore. Pepe. Saint-Esprit. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Je vois la restauration de la vie d'un frère et d'une sœur. Il y a une nouvelle dimension qui entre dans sa vie. Élève ta main droite là où tu es. Par la foi. Karamaj. Reblas que te rinda la mage. Rinda la voz que te rinda la mande. Arraquinta libras que te yande le mas que te has. Requinta riblas que te mia santa. Ripa yande y caripa. Requinta zarita la voz se paz. Oui, continue. Reste 2 minutes, continue. Kerash. Veash ripas. Continuez à dire seulement alléluia, alléluia, alléluia. Continuez à dire seulement, ne prie pas, dis seulement alléluia. Alléluia. Soyez concentrés. Montez. J'aimerais écouter la voix de quelqu'un. Il dit seulement Alléluia. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une restauration. Il y a une nouvelle dimension. Il y a une forte onction sur ta vie. Continuez. Montez encore. Monte encore. Dites Alléluia. Dites encore Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. Alléluia. Cheras, Alléluia. Dites encore Alléluia. Au moment où tu dis Alléluia, il y a une restauration particulière. Caramage. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Kerash. Alléluia. Rinda la masque te ripata. Il y a une onction particulière. Alléluia. Karamash ribaras keteas. Monte encore. Il nous reste une minute. Montez encore. Oui, il y a quelque chose. Écoutez, ta puissance, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Erash. Alléluia. Erash. Alléluia. Keraman de l'Ebros. Alléluia. Continue encore. Alléluia. Continue encore. Alléluia. Continue encore. Alléluia. Oui, le cavalier. Alléluia. Est en train de saisir la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, maman, il y a quelque chose sur ta vie. Alléluia. Et mon frère, il y a quelque chose sur ta vie. Alléluia. Je sens des visitations. Je sens la restauration. Je le sens, l'Esprit de Dieu. Je disais, il y a une restauration. Il y a une nouvelle onction. Il y a une nouvelle puissance qui entre dans la vie de quelqu'un. Ça ne sera plus la même chose. Ton ministère est en train d'être restauré. Ta vie est en train de te restaurer. Parce que la puissance de Dieu va changer des choses. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Remonte encore. Alléluia. Alléluia. Remonte encore. Alléluia. Remonte encore. Alléluia. Alléluia. Oui, et je sens le feu dans la salle. Oui, I can feel fire. Et je sens le feu dans la salle. Je sens le feu dans la salle. Il y a les pieds d'une personne qui sont en train d'être guéris. Il y a le feu dans ses pieds. Yes, I can feel fire. Warapa, rikataramas keteas. Oui, il y a des pieds qui sont en train d'être guéris. Il y a des pieds qui sont d'être en train guéris. Il y a des pieds qui sont d'être en train guéris. Et s'il y a quelqu'un qui a les douleurs de jambes, il peut avancer ici devant avant que je remette le microphone. Oui, je sens la guérison des pieds de quelqu'un. Ces pieds sont en train d'être guéris. Alléluia. Alléluia. Il est en train d'être guéri. Il est en train d'être guéri. Shabbat. Il est en train d'être guéri. Continue à invoquer toi un tout petit peu. Alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Je libère l'onction dans ses jambes. Que ses jambes soient guéries. Que ses jambes soient guéries. Que ses genoux soient guéris. Que les douleurs disparaissent. Reçois cette guérison. Caramage. Reçois cette guérison. Que le Saint-Esprit, l'esprit des miracles, l'esprit de puissance, receive. Receive. Reçois cette guérison. Est-ce que tu peux t'asseoir là où tu es? En train de prier le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour la guérison de ces jambes. Merci parce que les douleurs sont en train de libérer ces genoux. Receive it. Receive it. Receive it. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais comme ça. Encore. Continue à prier. Il y a le feu dans la salle. Encore. Encore. Élève tes mains. Oui. Commence à piétiner. Je vais revenir à toi. Tu es déjà guéri. Saint-Esprit, esprit de miracle, esprit de puissance, que ses jambes soient guéries. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Amen. Amen. Ça fait une année. Douleur. Même quand tu es entré ici, ça faisait mal. Bouge tes pieds. Encore. Donne-lui le microphone. Qu'est-ce que tu sens dans tes pieds? Là, je me sens un peu bien. Un peu bien, pas totalement. Pas très mal comme le matin. Merci, Saint-Esprit. Parce que quand j'étais là, je voyais Dieu guérir les pieds de quelqu'un. Les gens touchent ses genoux. Merci Saint-Esprit. Parce que aujourd'hui, c'est son jour. La souffrance est partie. Les pieds sont guéris. Les pieds, les jambes sont guéries. Les genoux sont libérés. Au nom de Jésus. Amen. Fais comme ça. Remontez. Si maman. Quelqu'un l'a saisi là-bas. Descends. N'aie pas peur. Remontez. Au nom de Jésus. Une fois encore. Au nom de Jésus. Une fois encore. Pour la seconde fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Elle est guérie. Donnez-la le microphone. Qu'est-ce que tu dis ça? Ça fait longtemps déjà. Ça fait très longtemps. Tu es déjà guéri. Excusez-moi, ta coin de toilette, mais la bébaga ni so, mais la ikala. Est-ce que qui peut acclamer pour le Seigneur? Qui peut acclamer pour ce Jésus? Le Dieu de la source féconde. Seigneur, nous scellons cette guérison au nom de Jésus. Amen. C'est le pied gauche qui me dérange depuis un temps. Tu sens comme le muscle. Ça tire. Même quand tu étais ici. Le soir. Saint-Esprit, merci. Parce qu'il est guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas venir avec ton témoignage. Tu es déjà guéri. C'est quoi? Les jambes battent. Oui. Même quand tu es venu ici. Merci Jésus. Parce que tu as guéri sa jambe. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus t'a déjà guéri? Quand tu marches, tu sens quoi? Tu marches avec difficulté ou tu marches normalement? Maman Gloria, merci Saint-Esprit. Merci de l'avoir guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu as guéri ses pieds. Au nom puissant de Jésus. Que je suis. Amen. Amen. Toi, tu vas faire un exercice. Pardonne-moi, suivez ce que l'Esprit veut te dire. Est-ce que tu peux aller là-bas? T'aimes bien tout comme un goût tout. Revenez encore. Cours un peu. Kimbia Kiloko. Kimbia Tongazatena Kiloko. Seigneur Jésus, Mikulu Yake Napona Kwanzia Sasa. Ses pieds sont guéris à partir de maintenant. Takit! Tout esprit qui a saisi tes jambes. Come out! Out in the name of Jesus. Merci Jésus. Amen. Kwambali, monsieur Kwambali, tu es déjà guéri. Seigneur, je bénis ta sœur. Ok. Ok. Mais, tu ne peux pas venir ici, na mama ko comme. Cela veut dire maman qu'on a imagine. On ne peut pas prier pour elle. A qui qu'on a imane, zombé, China Marie-Marie, elle est ici dans la salle. Je ne vais pas prier pour toi. Si elle n'était pas là, vous pouvez avancer. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais te demander quelque chose. Dieu va guérir beaucoup de gens. Venez demain en grande quantité, en nombre. Appelez quelqu'un. Nous allons prier pour les malades. Et Dieu va les guérir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lève tes deux mains, les yeux sont fermés. Jean a dit, j'ai vu l'Esprit s'arrêter sur lui sous forme d'une colombe. Il y avait plusieurs personnes. Mais Dieu a choisi Jésus-Christ. Pour que la colombe s'arrête sur lui. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit s'arrête sur toi. Comme la colombe. Pour commencer la bataille. Que le Saint-Esprit ce matin s'arrête sur toi. Commence à prier. Dis Saint-Esprit. Je suis là. Prêt. Prêt. Et il va s'arrêter sur toi. Oh, je prie, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu vas t'arrêter sur plusieurs vies. Sur plusieurs vies. Pour commencer la bataille. On va pour commencer la victoire. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour ce moment merveilleux qui démarre avec toi. Que ta grâce soit sur ton peuple. Nous te bénissons ce soir, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer, acclame pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous passons aux offrandes pendant que la chorale nous accompagne. Aleluya. qui t'a manqué. Nous sommes arrivés au moment de l'accueil des visiteurs. Si c'est votre première fois d'être avec nous ici à la Source Féconde, vous pouvez vous tenir debout, soit vous bougez votre main de là où vous êtes. Nous allons vous accueillir dans la maison de notre Père. Nous avons notre papa. Nous le saluons. Est-ce qu'on peut nous aider à saluer Papa Wemba? Est-ce qu'on peut acclamer, l'encourager, papa? Amen, amen. Ni baba ba etu, bana tu kome chamou etu mouissesse, karibu sana papa. Apa ni église source féconde, karibu programme tout a ileta d'ici là. Pour le reste des programmes, nous invitons papa. Pendant qu'il s'avance, nous applaudissons. Alléluia. Amen. Je donne d'abord quelques anniversaires et communiquer avant de donner le programme. Le frère Peniel Capessa, qui fête son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère pendant qu'il s'approche? Alléluia. Nos enfants ont grandi. Monte, mon ami Peniel. Monte au-dessus. Peniel? Voilà, monte là au-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fête son anniversaire? Nous voulons prier pour toi. Si tu es là, approche. Et maman Bérénice, Karibou. Est-ce qu'on peut l'encourager? Oh, gloire au Seigneur. Après, ton papa Tchako Makado, on va souhaiter bon anniversaire à la soldat. Ça fait partie de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, son anniversaire? Il faut toujours souhaiter bon anniversaire. Il faut toujours. Ok, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu les touche. J'ai oublié celle-là. C'est possible parce qu'on va acclamer aussi pour l'encourage. Christian l'a caché là très loin. Ok, oui, reste à côté de moi, Bérénice. Alors nous allons prier que Dieu puisse bénir nos bien-aimés et bénisse leur anniversaire. Élevons nos voix et prions pour eux. Seigneur, merci pour ce jour d'anniversaire. Je vais recommander tes enfants entre tes mains. Que ta grâce soit sur eux. Seigneur, que les jours qui viennent, que la colombe, que le Saint-Esprit soit sur leur vie pour les préparer à entrer dans une nouvelle dimension. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas réaliser dans leur vie. Nous les recommandons entre tes mains. Nous les bénissons et nous proclamons la faveur de Dieu sur eux. Allez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, les encourage? On les encourage. Action de grâce, la famille Panga remercie le Seigneur pour la guérison de leur fille Imelda. Imelda est où? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne la voyais pas chanter. Tu étais malade. Que Que Dieu te guérisse. Ça va. Seigneur, nous saluons cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons le programme. D'abord le programme de la semaine. Tous les jours, nous allons commencer ce matin et déjà demain, de 17h à 19h, nous avons prière chambre haute, de lundi jusqu'à samedi. Et nous terminons par la Pentecôte dimanche prochain. Nous mettons 17h pour que il n'y ait pas d'excuse que nous soyons à l'heure et que nous ayons le temps pour la prière. Donc nous nous préparons à partir de demain. Soyons là. Et c'est important que nous puissions prendre certaines choses à cœur. J'ai aimé ce que le pasteur a dit ce matin, des choses très, très profondes, que l'ennemi, le Madianite, quand il a fait le rêve, il a vu le pain d'orge, que le pain que Gédéon a offert à l'ange de l'Éternel sur le rocher. Il y a certains sacrifices que tu fais au Seigneur. Le jour de la bataille, ce sont ces sacrifices-là qui vont se transformer pour te donner la victoire. C'est important de comprendre ces choses. Et c'est important d'être là. Je ne dis pas que nous sommes là à 19h, que nous commençons à 19h. Ça signifie que toute la mise en place est terminée et nous démarrons. Donc nous arrangeons nos calendriers et nos agendas pour le travail de chambre haute. On nous a dit qu'il faut toujours de bonnes attitudes. Croire que Dieu répond à ta prière. On en a parlé le vendredi à la veillée. Il faut croire que Dieu répond à ta prière. Il faut avoir la soif de recevoir quelque chose de Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut aussi avoir la foi en toi-même. Que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'écoute. Alors, je te supplie, ne viens pas comme d'habitude cette semaine. Que le Seigneur puisse vraiment t'aider. Troisièmement, nous rappelons aux bien-aimés qui contribuent pour Joli Site. Nous sommes vraiment en train d'avancer. Je bénis d'abord tous ceux qui se dépensent corps et âme. Que mon Dieu les bénisse vraiment. Et quand je lis leur activité sur le groupe, et ça fait partie de mes sujets de prière chaque jour, que Dieu bénisse leur santé, leur projet, leur travail, pour qu'ils continuent. Mais sur le site, tout avance bien. Suivant le rapport que j'ai, peut-être aujourd'hui, je vais jeter un coup d'œil. Et l'Église, nous vous dirons à un moment donné, nous passerons ensemble pour constater et prier. Alors, nous avons pris l'engagement de donner des blocs ciment, du sable, faisons-le. En lisant le soir, je pense que j'ai lu, je crois qu'il y a un déficit de 1600 blocs ciment. Et nous demandons à l'Église et aux gens de soutenir ce travail. Je disais au frère Pacifique que ce travail ne s'arrête pas. Qu'on n'arrête pas, qu'on continue à travailler. Cette année, nous voulons voir clair. Et que le Seigneur nous soutienne. Alors, je vous donne le programme. Dimanche, c'est la fête de Pentecôte. Après la Pentecôte, il y a une fête dont on ne parle pas beaucoup. Mais j'ai senti dans mon cœur cette année que l'Église nous féconde, faites cette fête-là. C'est une des grandes fêtes de la Bible de Dieu, mais que nos églises actuellement, on n'en parle pas beaucoup. Je pense que nous prendrons le temps d'expliquer la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Ok, on expliquera. Et j'aurais souhaité que l'Église commence à se rappeler de cette fête très importante. Alléluia. Amen. Et au mois d'août, c'est le mois d'évangélisation. Nous avons décalé légèrement. Et nous commençons l'évangélisation au mois d'août, qui va se terminer avec l'Ikasi Tador. L'Ikasi Tador sera le 30 août, samedi le 30, et dimanche le 31 août. Donc, nous avons 3 mois pour nous préparer, chers choristes, chers protocoles, chers techniciens, chers évangélistes, pour que j'ai le programme et toute l'organisation de l'Ikasi Tador. Mais à la différence, cette année, nous allons introduire un jour spécial. Et je bénis vraiment le message d'aujourd'hui. Donc, nous aurons une soirée du bonheur. Soirée du bonheur avant l'Ikasi Tador. C'est-à-dire, nous allons nous retrouver de 18h à 22h. Vendredi 29, dans une salle de fête que nous allons louer, et ça sera une soirée sélecte. Ah, tu te fanya uchakuzi, tu te uchakua chagua. Atopo uchakuzi, bon, sélecte, vous avez compris. Et c'est-à-dire que nous serons en tenue de ville. Nous aurons un dîner. Les gens vont inviter les gens, des amis et des gens d'une certaine catégorie. Et le groupe qui va travailler à l'Ikasi Tador, peut-être avec Holy Praise, sera, on va faire. On va animer cette soirée. Comme un peu une fête, ça sera une fête. Et à cette soirée-là, il y a des choses que nous ferons. Il y a des choses que nous dirons. Et on y entrera par invitation d'honneur. C'est comme ça que je parlais des soirées sélectes. Et pour entrer là, tu dois inviter quelqu'un. Si tu n'invites pas, tu n'entres pas. Et voilà, nous allons vous donner les détails de ce programme de bonheur. Ça sera vraiment comme les fêtes de mariage, ça sera une fête. Il y aura des préludes, les gens vont exécuter les danses. Et puis il y aura des groupes qui vont animer. Et il y aura un petit message que nous allons donner. Et nous allons faire un travail avec des partenaires. Et les orchestres, pas beaucoup, 2 orchestres maximum, vont travailler. Et après, nous allons nous séparer pour que samedi, nous puissions commencer l'Ikasi Tado. Ça fera déjà partie de l'Ikasi Tado. Donc c'est un programme d'ensemble et nous préparons toutes ces choses. Et tout le mois de d'août, nous sommes dans l'évangélisation. Alors ça signifie quoi? Je lance un appel ce matin. Si Dieu vous touche, pour l'Ikasi Tado, voyez-moi, ça demande beaucoup d'organisation, mais qu'est-ce que toutes ces choses par rapport aux âmes qui sont sauvées? Même si les âmes ne viennent pas ici, toutes ne viennent pas ici, mais au moins nous allons accomplir un grand travail pour le Seigneur. Et c'est notre mission, c'est notre devoir. Donc nous demandons déjà à tout le monde de commencer à faire le travail. Tous les différents groupes pour nous préparer ce grand événement de notre Église. Donc voilà le programme. Août, mois d'évangélisation. Nous avons la fête des tabernacles. Cette semaine, nous sommes dans la haute chambre. Dans la chambre haute. Et nous prions. Nous voulons que, à partir de demain, nous sommes là à temps. Avant 17h, soyons là. Les chorales, arrangez tous les instruments avant. Arrangez même vos voix, n'arrivez pas. Non, Non, 17h, on commence. Et nous voulons faire des choses correctement. Et pendant cette semaine, nous croyons que Dieu va nous visiter. Alléluia. Amen. Pour ceux qui contribuent pour Joli Site, ne nous lassons pas. Nous avons pris des engagements, accomplissons-les. Et ceux qui veulent être partenaires pour l'Ikasi Tado peuvent aussi me voir personnellement. Là, c'est important. Pour le travail, nous n'avons que 3 mois qui devra se faire. J'ai dit la même chose pour les choristes. La chorale qui ne sera pas prête ne va pas prester. Et nous voulons cette fois-ci monter d'un cran et faire les choses correctement. Faire les choses de façon professionnelle pour sauver les âmes et donner aussi la bonne image de l'Église. Amen. Nous nous tenons debout. Lève tes mains, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à venir le Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Nous te disons merci. Tu es un Dieu fidèle, digne de confiance, et tu es merveilleux. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Que ta grâce sois au milieu de nous. Et nous recommandons toutes choses entre tes mains. Bénis la semaine qui commence. Bénis le travail de cette semaine. Bénis tous les serviteurs qui vont travailler. Merci pour ta présence. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous disons amen et nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ce bon dimanche.